Section 34 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e. Section 34, Les Amours de Gilles. Livre 4e, Isabelle, par Louis Morin. Chapitre 7, Rechute. À mesure que Paquette guérissait, la pensée de Florise revenait obséder Gilles plus souvent. Son esprit, débarrassé des craintes très sincères que la maladie de sa femme lui avait données, laissait l'image de la chère maîtresse délaissée reprendre sa place victorieuse, et les désirs coupables revenaient en foule. Accru par la longue privation, exaspéré par les magies du souvenir, la tentation des voluptés que Florise lui avait offerte et qu'il n'avait point assez savouré, lui revenait tous les jours. Il fallait qu'il fît un violent effort de volonté pour chasser les fantômes de la concupiscence. C'était le soir, à la rentrée de Gilles, que Paquette avait des reprises de fièvre. Les malaises la guettaient à son premier sommeil, comme des bêtes de nuit que l'obscurité rend hardies. Calme pendant toute la journée, elle avait à cette heure-là de douloureux cauchemars. Des réveils pleins de délire sur lesquels la vision à grand-peine chassée étendait encore l'ombre de ses ailes. Mais Gilles était là. Il prenait dans ses mains les petites mains brûlantes de la malade. Et soudain, comme par l'effet d'un fluide magnétique, s'envolaient les terreurs funèbres et les tristes angoisses. Ses retours de fièvre n'avaient lieu que pendant la première partie de la nuit. Elle dormait ensuite d'un sommeil profond et tranquille jusqu'aux premières lueurs du jour. Le matin, une vieille voisine venait faire le ménage, lever la mère Pulci et l'habiller. Puis Gilles poussait le fauteuil de la paralytique dans la chambre de sa fille et mettait à la portée de sa main gauche, de sa bonne main, un bâton qui devait lui servir, en cas de besoin, à cogner au plancher pour réclamer les services de la voisine. Il était libre alors de travailler ses rôles et d'aller au théâtre pour les répétitions. Ils étaient redevenus très camarades, Pulcinelle et lui. Le vieux était touché du dévouement de Gilles pour sa femme et de la bonne foi de sa rupture avec Florise. Cependant, comme il craignait quelque escapade dont la connaissance pourrait être funeste à la petite malade, il s'était donné la fonction de garder Gilles contre ses propres entraînements, et il ne lui laissait point un moment de liberté. Mais Pulcinelle avait toujours les délicatesses un peu lourdes, comme disait le docteur. Plus subtil, et qui lui fit vainement remarquer qu'il était dangereux de faire sentir la chaîne à des caractères tels que celui de Gilles. « Prends garde, camarade, prends garde. Si l'on t'empêchait de boire pendant le jour, je crois bien que tu profiterais de la nuit pour prendre quelques dédommagements. Moi aussi, du reste. » En effet, le système employé était mauvais. Gilles, escorté pendant la journée par l'amitié gênante de Pulcinelle, et retenu la nuit à la maison par les soins qu'il devait à sa femme, ne pouvait voir Florise qu'au théâtre, et il sentait sourdre en lui-même des mouvements de révolte. Florise n'était plus la maîtresse qui commande. Elle était descendue d'abord aux prières. Et à quelle douce et tendre prière! Et maintenant, voyant l'inutilité de ses appels, elle ne demandait plus rien, n'implorait plus que par le regard. Il était aisé de voir les ravages que le chagrin causait en elle. Sa pâleur, l'amaigrissement de son corsage et de sa taille, révélaient les flammes intérieures qui la dévoraient. Sa voix dolente, son geste désespéré, parlaient éloquemment au cœur de Gilles. Il s'attendait à des plaintes, à des reproches, à des colères emportées. Il fut sans force contre la douceur résignée de sa maîtresse. Elle avait des sourires navrants, des sous-entendus et des silences qui faisaient voir qu'elle n'attendait plus rien de la vie. N'était-elle point victime aussi, celle-là, et aussi malheureuse que l'avait été sa rivale? Un soir, elle se trouva seule avec Gilles dans la coulisse. Il allait s'éloigner, prévoyant le danger, mais elle s'élança vers lui et lui saisit les mains. « Gilles, mon cher Gilles, écoute-moi, car c'est la dernière fois que je te parlerai de notre amour. Tu crois devoir te sacrifier ?» car je sais bien que tu m'aimes encore, à la vie et au bonheur de Paquette. Tu as raison, peut-être, mais je sais bien, moi, que je ne puis vivre si près de toi sans te posséder. J'en meurs. Gilles, il faut que je m'en aille. pour ton repos et celui de ta femme, et pour le mien. Je vais accepter un engagement pour la France. J'irai là-bas, et je n'en reviendrai pas. » Des larmes brillaient dans ses yeux. « Tu n'entendras plus parler de moi, mais je t'en supplie, avant que je quitte Venise pour toujours, donne-moi une heure de ton amour. Je te jure que je partirai résignée. Mon bon Gilles, fais cela. Tu sais qu'on ne refuse rien à ceux qui vont mourir. » Gilles hésitait, terrifié par l'annonce de ce départ. « Viens ce soir, » continua Florise. « Quand elle dormira, une heure, te dis-je, une heure seulement. Je t'attends. » Des camarades s'approchaient. D'un brusque mouvement, Florise quitta Gilles, sans lui laisser le temps de répondre. Gilles restait à sa place, douloureusement surpris. Comment ? Elle allait partir ? Et ce serait fini ? Il ne la reverrait plus ? Jamais ? Jamais ! Il se répétait cela. Plus jamais. Plus jamais. Il sortit du théâtre, le vent était très froid. Une brume glacée voltigeait dans l'air. Il sentit que cela lui faisait du bien, et ôta son chapeau pour recevoir la pluie sur la tête. Les idées lui revenaient plus nettes. Elle va partir, tant mieux. Le martyre sera fini. Elle souffrira ? Pas tant que moi sans doute. Mais on dit que l'absence calme les chagrins d'amour. Oh, comme je l'aime pourtant. Il se mit à pleurer. Il était tout seul dans la petite rue déserte et ne se contraignait point. Ses larmes coulèrent longtemps, brûlantes. La rafale les glaçait sur son visage. Avant d'arriver à la Riva del Carbone, il s'arrêta et se fit de bonne foi le serment de ne point faiblir, de ne point revoir Florise. À quoi bon se donner plus de regrets encore? Puis il s'assit un moment et leva son visage pour que la pluie effaçât la trace de ses larmes. Paquette ne dormait pas. La voisine la veillait. Gilles l'embrassa et la serra sur son cœur dans une étreinte passionnée. Le sacrifice était accompli maintenant. Il n'aimerait plus qu'elle, elle seule. « Gilles, qu'as-tu ? Tu m'aimes ce soir ?»« Oui, je t'aime bien. Ah, si tu savais !»« Tu m'aimes seule ?»« Oui, seule. » Et le besoin lui vint d'annoncer à Paquette le départ de Florise. Pourquoi ne pas lui dire ? Pourquoi ne pas la délivrer tout de suite de cette crainte de la rivale qu'il sentait toujours en elle ? Bonne petite Paquette ! Elle eut un mot de pitié pour celle qui partait. « Oh, comme nous allons être heureux à présent ! Pauvre Florise ! Je vais l'aimer aussi. Elle n'est pas méchante, vois-tu. Elle t'adorait, voilà tout. Et cela se comprend. Comme je me sens bien ce soir. » Gilles se coucha. Paquette s'endormit bientôt, la main dans sa main, d'un sommeil tranquille. Elle n'avait point ce soir-là les mouvements nerveux qui la secouaient d'habitude pendant son premier sommeil. Ses réveils sursautants qui l'asseyaient sur son lit, la poitrine oppressée. Sa respiration était égale et légère. Gilles, rassuré, quitta sa main et, lui aussi, chercha le sommeil. Mais voilà que l'image de Florise revint tout à coup, si présente qu'il lui semblait qu'elle fût entrée dans la chambre. Et, brusquement, comme si quelque démon eût repris possession de son âme, le désir d'elle le ressaisit. Un désir fou, physique, une ardeur que nul raisonnement ne pouvait calmer. Il essaya de lutter pourtant, de se raidir sous l'étreinte, mais sa conscience ne trouva que des motifs de céder, des raisons spécieuses qu'il accepta aussitôt. Comment ? Il allait la laisser partir comme cela, sans un mot, sans un regret, sans un merci pour le sacrifice qu'elle faisait ? Il se répétait les paroles de Paquette. « Elle n'est pas méchante, elle t'adore. » Puis aussi celle de Florise. « On ne refuse rien à ceux qui vont mourir. Viens, une heure, qu'elle dormira. » S'il y allait, pourtant, une heure, certes, il pouvait bien, elle et lui, payer leur dévouement de cette heure de plaisir. Il fit un dernier effort. Il prit et serra la main de Paquette pour la réveiller, pour s'enlever la possibilité de ce qu'il voulait faire. Mais elle ne bougea pas, tant son sommeil était profond. Alors il se leva et se mit à marcher dans la chambre. Il s'approcha de la fenêtre. La lune brillait. Il faisait une nuit claire et froide, sur le canal, une fine brume blanche. Il regarda dans la direction du Rio del Orto. Elle était là-bas. Elle attendait. Et elle se désolait sans doute, la pauvre. Il revint vers le lit. Paquette dormait toujours, de son même sommeil tranquille. Il se pencha et l'embrassa. Mais elle ne fit qu'un mouvement léger. Alors, tout à coup, il prit son parti. Il s'habilla rapidement et sur la pointe du pied gagna la porte de la chambre. 2 heures sonnaient à l'horloge. Oh, si elle allait se réveiller! Maintenant, cette pensée mouillait son front d'une sueur froide. Mais non, elle allait dormir jusqu'à son retour, certainement. Et elle ne s'apercevrait de rien. Il ne referma pas la porte, pour pouvoir rentrer sans bruit. Il fallait qu'il passât devant la chambre de la mère Pulcy. On laissait sa porte ouverte afin qu'elle pût appeler, dans un cas urgent, en cognant de son bâton sur le plancher. Il s'arrêta. Elle aussi dormait tranquillement. Alors il gagna rapidement la sortie et partit en courant, poussé par une force irrésistible. Fin de la section 34, lue par Saner Myriam, Savartès, le 30 octobre 2024.